C'est Réjean. R-E-J-A-N. Je suis retraité de la fonction publique. J'ai travaillé 42 ans au Trésor public. Bravo! J'ai déjà été dans le journal, j'ai déjà passé à FR3 parce qu'ils viennent me filmer. Ah oui, tu vois ma caisse. Faut pas grand-chose, hein? Une caisse de pommes, regardez, on met une affiche. Ben non, mais fallait y penser. C'est le matin, j'ai dit, ben, comment je pourrais faire? Et puis là, ben, tu tiens comme ça sur le côté parce que toujours ici, c'est pas évident. Ben, à venir aussi, même s'ils viennent pas, mais qu'ils sont conscients de ce qu'on fait, qu'on le fait pour eux. Je le fais pas que pour moi, je le fais pour eux. Parce que vous savez, je suis retraité, je pourrais m'en foutre. Mais rien ne dit que le gouvernement ne va pas un jour toucher à nos retraites. On n'est pas à l'abri de ça. Même qu'on est retraité, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui me disent « Qu'est-ce que tu fais dans les manifs ?» Ben, je dis « Je manifeste pour vous. » Ah oui, quand je le dis, ben oui, ben, je dis « Vous plaignez toujours que vous avez une petite retraite. » Et quand il va encore la baisser, ben ça sera pire. Je ne peux pas dire plus, ça. Allez, un klaxon. Mais depuis qu'il y a la manif et depuis que je sors les chiens de la LPA, je suis encore plus motivé, je leur apporte tellement de choses aux chiens. C'est beaucoup de chiens abandonnés, hein, il y en a plus d'une trentaine. Donc je les promène, je les caresse, je leur donne des friandises, tout. Les chauffeurs, avec nous. Vous allez travailler plus longtemps, c'est pour vous que je le fais. Je vous vois mal encore conduire les bus à 64 ans. C'est vrai. Parce que déjà, le dos, il prend un coup quand ils conduisent, hein, je sais. J'ai pris le bus, je viens de Dunkerque, donc le bus, je le prenais, il était gratuit comme ici maintenant. C'est Dunkerque qui a commencé. Un sourire, ça coûte rien. Un sourire, merci monsieur. Un sourire et un encouragement. N'oubliez jamais que si on est dans la rue, c'est pour vous. Donc il faut tous nous rejoindre. C'est la masse qui fait. Nous sommes le peuple et c'est nous qui décidons. Oui, moi j'aime comme ça klaxonne. Hein. Allez, encore. Allez! Moi j'ai de l'énergie, vous vous appuyez sur le klaxon, c'est pas dur! Oui! On va gagner! Moi je sais que j'aurais tout fait pour, hein. Je peux pas faire plus, hein. Je peux pas aller à la place des gens. Oui! Mais en 42 ans, j'ai fait beaucoup de manifestations au Trésor public, dont je sais ce que c'est. Je suis déjà allé à Paris et je peux vous dire qu'à Paris, toute la France était allée. C'était un jour de fête des mères et les gens ont remis à la semaine d'après la fête des mères. Il y avait des bus de partout. On était censé démarrer à midi, on a démarré à 16h. Tellement il y avait des bus. Oh, c'était motivant. Il y aurait autant de bus ici, ah ben, tu n'as plus de place. Allez, comme un mariage, c'est l'enterrement de la réforme aujourd'hui. C'est pas un mariage, c'est l'enterrement de la réforme. Allez, klaxonnez. Vous klaxonnez, au plus j'ai d'énergie. C'est pas grave, au moins je dors. J'ai pas besoin de cacher pour dormir. J'ai besoin de cacher pour rien. Pour le cholestérol, non, je mange correctement, je bois pas d'alcool et je fume pas. Donc c'est pour ça. Et je fais de la musculation 5 jours par semaine. Le matin. Ah ben oui, depuis 38 ans. Un sourire, c'est pour les jeunes aussi que je le fais. Je vous adore, on est le peuple, c'est nous qui gouvernons. Oui, 63 ans et sur le pavé, on a le droit de dire bravo, c'est gratuit encore. Il n'y a plus grand chose de gratuit. Ah, c'est sûr qu'avec tout ce que je fais, je vais pas me faire du lard, hein. Mais ben vous non plus. Bravo. J'avais raison, faites vos courses. Quand il n'y aura plus de sous, il n'y aura plus de commerce. Moi, je peux vous dire qu'à Dunkerque, j'ai fait une manif un samedi. Les gens m'ont félicité. J'ai dit, pourquoi vous ne venez pas avec nous? Ben, on peut pas. On doit acheter le cadeau de la fête des pères. Ah, oh, j'ai dit, quand vous aurez plus de sous, vous n'aurez plus acheté de cadeau. C'est vrai? C'était des faux prétextes, ça. Quand même. Dire ça à des gens qui manifestent dans la rue. Les klaxons, c'est gratuit, ça utilise pas beaucoup d'essence. Allez! Il y a encore de la place sur le trottoir, venez, venez! J'ai plus à bas de voix. Pas grave, j'ai plus voix à parler. Il y a de la fumée qui sort. Il y a la fumée, ils enterrent la réforme. La réforme, elle brûle. Bravo, bravo, bravo. C'est gratuit le bravo, les klaxons aussi. Les sourires aussi, allez, un grand sourire. Oui. Ah, les militaires, t'as vu? Waouh, si les militaires, ils s'y mettent. Oh. Tous avec nous. Manifestation pluvieuse, manifestation heureuse. En ce moment, il pleut beaucoup. Je suis quand même énergique, hein. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Je ne peux pas rester sans bouger. Il faut motiver les gens. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne sais pas, il y a les divinités sans doute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-haut qui fait. Il y a des ficelles qui se tirent. Macron tire les riches tirent les ficelles pour lui, mais moi, c'est le contraire. C'est les pauvres qui tirent les ficelles. C'est la lutte. On manifeste aussi pour les jeunes. Ne l'oubliez pas. Vous êtes aussi concernés. Parce que vous dites tous, on n'aura pas de retraite. Mais n'oubliez pas que le gouvernement fera ce qu'il veut et il va réduire notre salaire, ils vont tout réduire et vous ne pourrez plus acheter. Donc, dans la rue. Ils voient même les chauffeurs de bus. Après, je comprends, les gens sont obligés de travailler, je ne dis pas le contraire. Mais il y a des gens que le samedi, ils ne travaillent pas et qu'est-ce qu'ils font? La manif de la semaine dernière, où ils étaient les gens? Dans la rue, ils te regardent. T'as les riches qui te regardent comme si t'es un pestiféré. Ben non. Bonjour. Comme si t'es un pestiféré, ils oublient. Mais c'est, ils ont un petit peu la trouille, hein. C'est si Macron saute, eh bien c'est quelqu'un d'autre. Ils vont un petit peu prendre sur leur capitaux, hein. Ils vont un petit peu gréver, hein. Allez, tous avec nous. Tous avec nous. Tous, bravo. J'ai même réussi à emmener mon concubin à la manif qu'il n'avait jamais fait de manif de sa vie. Il est plus âgé que moi. Bien, hein? Allez, les chauffeurs avec nous. Un sourire, c'est gratuit. Ben oui. Moi, je suis sur le pavé. Je suis retraité. Je me mets à votre place. 64 ans, quand on conduit un bus, j'ai plein d'amis qui conduisent des bus et ils se plaignent beaucoup de leur dos. Faudrait mettre le gouvernement à conduire les bus. Ils verraient un peu. Même vos chefs, c'est ce que je voulais dire, vos chefs. Parce que ça, c'est bien de faire tout, aller au passé, il faut faire ça. Et quand on a mal au dos, on a mal au dos, hein. Mais enfin, je le fais pour vous. Et on va gagner, monsieur. Bonne journée, merci. Bonne journée, au revoir. Que tous les gens dans le bus, ils s'imaginent pas, ils ont le bus gratuit. Ça peut très bien changer un jour, hein. Ah, oui.